Des actions préventives peuvent éviter la naissance de conflits et donc d'un recours juridique. Mathias Messier, directeur du laboratoire d'application des sciences acoustiques, évoque quelques exemples d'actions préventives et l'analyse qu'il construit actuellement sur ce sujet. Mathias Messier. L'attitude préventive est vraiment très payante. Et je dirais qu'elle est très payante pour une autre raison. C'est que, en attitude préventive, vous arrivez à faire donc une étude avant que le bruit soit produit. Cette étude va vous montrer qu'il y a un certain nombre de travaux à faire, éventuellement. Quelquefois, ça se limite à la mise en place d'un limiteur dans un établissement enfin, musical, par exemple. Oui, mais souvent, ça se traduit aussi par des doublages de parois, etc. Et finalement, l'affaire que prévoyait le perturbateur potentiel qui vous pose le problème se fera ou ne se fera pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont renoncé à leur projet compte tenu des travaux qu'il y avait à faire. Imaginez qu'ils n'aient pas fait cette démarche au départ. Eh bien, ils auraient fait la dépense nécessaire, l'investissement nécessaire à la mise en route de l'activité qu'ils envisagent, et de toute façon, il y aurait eu plainte et tout le circuit après. Mais finalement, il valait mieux qu'ils le sachent avant. Par exemple, j'ai des magasins de meubles qui se transforment en restaurant avec orchestre, avec des logements juste au-dessus. Il y a des cas de local commercial qui devient discothèque. Les bars deviennent restaurants, etc. Vous avez d'autres cas qui sont des cas d'introduction d'un orchestre dans un restaurant existant. Et tout ça, on nous demande d'abord de voir dans quelle mesure c'est possible d'y arriver, etc. Et j'arrive au cas... là j'ai un cas peut-être intéressant. Achat d'un logement dans un immeuble collectif par... un musicien professionnel. Alors il voulait savoir, est-ce qu'il pourrait jouer du piano à longueur de journée, de nuit, etc. Il n'avait pas d'horaire pour son jeu de piano. On a fait une petite étude, on partait un immeuble ancien d'un isolement de 45 décibels là, il fallait donc augmenter considérablement. On s'en est sorti par une cabine, on enferme le musicien, son piano dans une cabine. C'est pas si simple que ça, hein, parce qu'elle est quand même éclairée, ventilée, traité acoustiquement intérieurement quand même, il en est très satisfait. Et puis on a obtenu 70 décibels là. Et bien finalement, les gens qui sont dans cet immeuble, ce musicien est assez connu. Ils sont très fiers d'avoir un musicien chez eux, mais ils disent, dommage, on l'entend jamais. Les cas où l'action n'a pas été au bout. C'est-à-dire l'étude de faisabilité a été faite. Vous avez ici l'introduction d'un orchestre dans un restaurant, c'est le cas classique. Là, il y avait trop peu de hauteur sous plafond avec des isolations trop faibles pour envisager quelque chose de raisonnable. Il y a eu le recul aussi de celui qui nous avait posé le problème devant le coût de l'opération. L'aménagement d'un studio de danse au premier étage d'un immeuble d'habitation. Là encore, le coût des travaux. C'est souvent le coût des travaux qui serait nécessaire, qui fait reculer. Mais il y a également des cas d'impossibilité. L'introduction d'un orchestre dans un restaurant, là, c'était pas raisonnable, c'était pas réalisable raisonnablement, en ce sens qu'il s'agissait d'une excroissance d'un bâtiment dans une cour avec une toiture très légère, très peu de hauteur sous plafond. Il aurait fallu pratiquement rehausser l'ensemble de la toiture pour arriver à faire quelque chose. Techniquement, c'était irréalisable. Cela dit, pour ce cas-là, nous avons dit ça, on a arrêté, ils nous ont dit, puisque vous dites que c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je sais par ailleurs qu'ils ont questionné des tas d'autres personnes, acousticiens, pour trouver un jour celle qui leur dira « c'est possible ». Il y a bien quelqu'un qui va leur dire un jour « c'est possible » d'ailleurs. C'est bien dommage parce qu'ils vont devant de problèmes importants. Il y a un dernier cas que je voudrais citer, ou deux derniers cas. J'ai parlé là des perturbateurs potentiels, donc qui font des actions préventives. Eh bien, j'ai également des cas de plaignants potentiels qui font des actions préventives. J'ai deux cas de plaignants potentiels dans le lot qu'on a là. Un projet d'aménagement, encore une fois, d'une salle de danse sous un logement. Eh bien, dans ce projet d'aménagement de salle de danse, le plaignant ayant eu vent qu'il y aurait une salle de danse, il a demandé une étude pour voir l'isolation, etc. Ça s'est fait... C'est en accord avec le futur perturbateur, et finalement la salle de danse est parfaite. Parce que le plaignant était émettait des doutes sur la possibilité de ne pas dépasser tel niveau dans la salle de danse, des doutes sur la légèreté des sauts des danseurs débutants, ce qui est, il avait raison d'ailleurs. Bon, enfin bref, ça c'est pas fait. Et puis alors ici, transformation d'un bar en café-concert, là encore, le café où le bar existait. Les voisins ont été tenus au courant de la possibilité de transformer ça en café-concert. Eh bien, c'est pas le perturbateur qui nous a posé le problème, c'est le plaignant. Donc, essayez de voir, et puis c'est lui qui s'est débrouillé après avec le futur perturbateur pour que les travaux soient réalisés.